peu par ici, y'a de l'instru à balafré. Les MC sont en masse, mais beaucoup font pas l'affaire. Y'a ceux qui veulent pas taffer, vendre de la dope pour des loves. Et ceux qui sont courageux, qui dès l'aube se lèvent. Moi j'suis du style à gratter, que ça soit dans le taf ou dans mes sons. Dès la naissance, j'y fais le son, et ça tu le ressens dans mes 16. Si au cas où t'es mal à l'aise, j'te conseille de t'en aller. Car on balance la vérité, c'est vrai, c'est dur à avaler. De sens à Avalon, et de haut sert à joignir. La joie n'est pas joignable, mais ça on l'a pas choisi. On avance avec nos peines, des soucis, plein la teuté. Pour évacuer le stress, on prévoit une ou deux day matin. Peu par ici, comment la haine s'étire, c'est clair, c'est difficile. Des vies, des doux s'étirent. Ici la vérité n'est pas dévoilée à l'écran. Et dans la réalité, la jeunesse à l'écran. Matin peu par ici frère, certains n'ont pas su faire trop de frères. On finit si pieds sous terre, restez fort. Face à la misère, ça nous a rendu si fiers, donc on poursuit les efforts. Matin peu par ici frère, certains n'ont pas su faire trop de frères. On finit si pieds sous terre, restez fort. Face à la misère, ça nous a rendu si fiers, donc on poursuit les efforts. Notre part ici c'est la demeure, tellement la merde qu'on s'assitue. On persévère sur fond sonore pour fuir de la soirée d'ici. Trop d'illusions reflètent cette terre où la police règle les soucis. Un peu soucieux, jamais sous cesse, mais la poste nous a pris pour si. La baraka a pris la fuite en oubliant de faire ses valises. La tchouk-tchouka dans nos assiettes, à plaque nos darons nous oblige. Donc, pas le choix c'est marche ou crève, et si je crève c'est le choix d'Allah. Je garde la foi, y'a pas de trêve ni de grève dans la salade. Qui a la preuve que c'est la haine qui coule à flot en bas des hauts. Le THC c'est dans les veines qu'il colle à fond quand tu pilotes. Trop d'inconscience dans nos actions, donc attention quand t'as retour. Ici à sens, le seul avion est sous ses lots entre les bureaux. On crie à l'aide à notre façon sans réussir à se faire entendre. On est écrit de toute façon, quoi qu'il arrive, je compte pas me rendre. Je prends le large dans mon inspiro, cracher ce qui se passe dans ma tête. Noircir ma page de ce que je vis, sachant que je perds des SNR. Matin peu par ici, frère, certains n'ont pas su faire trop de frères. On finit si pieds sous terre, restez fort. Face à la misère, ça nous a rendu si fiers, donc on poursuit les efforts. Matin peu par ici, frère, certains n'ont pas su faire trop de frères. On finit si pieds sous terre, restez fort. Face à la misère, ça nous a rendu si fiers, donc on poursuit les efforts. Matin peu par ici, un sur trois qui finit mal. Des années en cabane où le crâne percé par une balle. Les gens ont trop la rage et ça va jamais finir. Parmi tous ces styles, j'en cherche un pour me définir. Matin peu sur cette terre, certains sont trop sur deux. Et une personne sur deux a de la peine en surdos. Ça pousse à réfléchir, surtout avant d'agir. En plus, partir de rien, c'est pas avantageux. Ne pas finir à genoux, se le dire avant tout âge. Car ici, trop de jaloux veulent salir ton image. Tu sais, je vis en écrivant, pourtant je suis pas écrivain. Peu importe où j'irai, j'oublierai jamais d'où je viens. La vie c'est dur à gérer, j'ai du mal à digérer. Matin peu cette France par qui elle est dirigée. Matin peu ces rageux qui pensent qu'on exagère. J'ai la rage de réussir, si si tu s'exagères. Matin peu par ici frère, certains n'ont pas su faire trop de frères. On finit si pieds sous terre, restez fort. Face à la misère, ça nous a rendu si fiers, donc on poursuit les efforts. Matin peu par ici frère, certains n'ont pas su faire trop de frères. On finit si pieds sous terre, restez fort. Face à la misère, ça nous a rendu si fiers, donc on poursuit les efforts. Matin peu par ici frère, certains n'ont pas su faire trop de frères. On finit si pieds sous terre, restez fort. Face à la misère, ça nous a rendu si fiers, donc on poursuit les efforts. Donc on poursuit les efforts et face à la misère on se forge. C'est pour se partir trop tôt, mais face à ça on reste fort.